Chapitre 240. Le mérite de l'indulgence dans la vente, l'achat, l'emprunt, le don, le remboursement et la réclamation des dettes ainsi que la pesée. L'interdiction de la fraude et le mérite pour le riche d'accorder un répit ou d'effacer les dettes d'un débiteur dans le besoin. Allah Ta'ala dit « Wa ma taf'alou min khayrin fa inna Allah bihi alim » Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Sourate 2, verset 215. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Sourate 11, verset 85. Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Sourate 83, versets 1 à 6. 1367. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme se rendit auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, en exigeant de lui qu'il rembourse son dû. Devant la dureté des propos de l'homme, les compagnons voulurent le punir, mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur dit « Laissez-le, le créancier a le droit de réclamer son dû. Donnez-lui une chamelle du même âge que sa chamelle. » Ils dirent « Ô messager d'Allah, nous ne trouvons que des chamelles plus grandes et meilleures que la sienne. » Ils dirent, alayhi salatu wassalam, « Alors donnez-lui-en une, car le meilleur d'entre vous est celui qui rembourse ses dettes de la meilleure manière. » Al-Bukhari et Muslim. 1368. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est indulgent lorsqu'il vend, achète ou bien réclame ses droits. » Al-Bukhari. 1369. Abu Qatada, anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Que celui qui aimerait qu'Allah le préserve des tourments du jour de la résurrection accorde un répit au débiteur dans la difficulté ou renonce tout simplement à ses droits. » Muslim. 1370. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il y avait un homme qui prêtait de l'argent aux gens et qui disait à son domestique « Sois indulgent avec les débiteurs en difficulté en espérant qu'Allah le soit avec nous. » Il rencontra alors Allah qui, en effet, lui pardonna. » Al-Bukhari et Muslim. 1371. Selon Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Un homme parmi ceux qui vous ont précédé sera appelé au jugement. » Le jour de la résurrection, mais sans que l'on trouve à son actif une seule bonne action, sauf qu'il était un homme riche, qui se montrait indulgent dans ses relations avec les gens, et qui ordonnait à ses serviteurs de l'être avec ses débiteurs en difficulté. Allah Azza wa Jal dit alors, « Nous sommes plus dignes de cette indulgence que lui. Pardonnez-lui. » Muslim. 1372. Hudhayfa radiyallahu anhu rapporte ceci. On présentera devant Allah Ta'ala un homme à qui il avait accordé des richesses et qui l'interrogera. Qu'as-tu fait dans ta vie? Et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Sourate 4, verset 42. Il répondra, Ô Seigneur, tu m'as gratifié de richesses. J'étais donc un commerçant indulgent. J'étais compréhensif avec les gens aisés et j'accordais un délai à ceux qui étaient en difficulté. Allah Ta'ala dira, Je suis plus digne de cette indulgence que toi. Pardonnez à mon serviteur. Uqba ibn Amir et Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhuma, assurèrent « Nous avons entendu ceci de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Muslim. 1373. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah abritera à l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, celui qui accorde un délai à un débiteur en difficulté ou efface tout simplement ses dettes. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1374. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui acheta un chameau. Lorsqu'il, alayhi salatu wassalam, pesa le prix en or ou en argent du chameau, il fit pencher la balance en faveur du vendeur, c'est-à-dire de Jabir. Al-Bukhari et Muslim. 1375. Abu Safwan Suwayd ibn Qais, radiyallahu anhu, rapporte ceci. Makhramah al-Abdi et moi avions apporté des vêtements originaires de Hajar. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, négocia avec nous le prix de quelques pantalons, puis il dit à l'homme que nous employions pour peser, le prix en or ou en argent des marchandises, « Fais bien pencher la balance », c'est-à-dire en faveur des vendeurs. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ».